All right, please settle down quickly. S'il vous plaît, asseyez-vous. How does it feel like to know that your destiny is to be Jesus's brother? Comment ça se sent de savoir que votre destinée est comme le frère de Jésus? Is it not encouraging? Est-ce que c'est encourageant? Because some of you, the family you come from, nobody knows your brother. Et certains parmi vous, la famille dans laquelle vous venez, personne ne vous connaît comme frère. Nobody knows your father. Personne ne connaît votre père. Nobody knows your mother. Personne ne connaît votre mère. But suddenly, mais you have an important family member. Tu es un membre de famille très important. And his name is Jesus Christ. Et son nom est Jésus-Christ. Clap your hands for Jesus. Acclamez Jésus. And it's a privilege that you must not play with. C'est un privilège avec lequel tu ne dois pas t'amuser. The next point about your destiny is that your destiny is to be outstanding. Le point suivant de ta destinée, c'est que ta destinée doit être remarquable, striking, frappant, or conspicuous, ou bien évident. Yes. People will notice you. Les gens vont vous remarquer. And you see, this one, it's a promotion. Ça, c'est une promotion. Jesus said, "You are a city set on a hill." Jésus dit, tu es la cité sur la montagne. And that promotion is also coming upon us. Et cette promotion vient sur nous. That whatever you are doing in the ministry is being elevated to a higher level. Peu importe ce que tu fais dans le ministère est élevé à un certain niveau. Nothing will be able to hide your greatness. Rien ne pourra cacher ta grandeur. Yes, other countries will hear about you. D'autres pays vont entendre de toi. Your branch will be a prominent branch. Ta branche sera une branche connue. Your members will be important in the body of Christ. Tes membres seront importants dans le corps du Christ. The next point about your destiny. Point suivant sur ta destinée is that you will be a great source of inspiration. C'est que tu seras une grande source d'inspiration. Direction and light. Et la lumière. Turn your Bibles to Matthew chapter 5 and verse 15. Tournez avec moi dans le livre de Matthieu 5 verset 15. Neither do men light a candle and put it under a bushel. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. But on a candlestick. Mais on le met sur le chandelier. And it giveth light to all that are in the house. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Listen, this is a blessing God is giving us. Écoute, ceci c'est une bénédiction que Dieu nous accorde. Yes. Oui. Many people couldn't do well in school. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir à l'école. At work, nobody looks up to you. Au boulot, personne ne te regarde comme un exemple. In school, you are not a very, very bright and a very great person in school. À l'école, tu n'étais pas une personne très intelligente, très brillante. But what you could not become in school, ce que tu pouvais pas devenir à l'école, what you could not become in the world, ce que tu pouvais devenir dans le monde, God gives you that privilege to become in the church. Dieu te donne cet privilège pour devenir dans l'église. You see, and I believe it is one of the ways God will make us outstanding and conspicuous and striking. Je crois que c'est l'une des manières par laquelle Dieu va nous rendre évidents, remarquables et très frappants. When you see, from this point to à partir de ce point, your destiny is to be a great source of inspiration, direction and light. Means that when people see you, they will be encouraged to follow. Ce point qui dit que tu seras une grande source d'inspiration, ça veut dire que quand des gens te voient, ils seront espérés à te suivre. It says it gives light. Il donne la lumière. To all. À tout. As a shepherd. En tant que berger. As a pastor. En tant que pasteur. People must look up to you for direction. Les gens doivent te regarder en tant qu'un exemple de direction. When people want to learn how to start many branches in a town, they will look for you. Quand les gens veulent apprendre à commencer plusieurs branches dans la ville, ils vont te chercher. When people want to know how to grow a church, they will come and look for you. Quand les gens veulent apprendre à faire grandir une église, ils viendront te chercher. In other words, you are not just, you see, it is different from being outstanding or being conspicuous. When you are outstanding, yes, you stand out. C'est différent d'être remarquable ou bien évident. Si tu es remarquable, tu sors. You are great. Tu es grand. But it is different from also being someone that people look up to. C'est aussi différent d'être quelqu'un que les gens regardent comme exemple. Because right now, parce que maintenant, think about it. Nobody looks up to you. Personne ne te voit comme un exemple. You are rather looking up to the next branch. C'est toi plutôt qui regarde d'autres comme un exemple. Nobody comes to you for any guidance about how to pray. Personne ne vient te parler par rapport à comment prier. Nobody comes to ask you about how to have a crusade. Personne ne vient te demander comment faire des croisades. It is rather when you are an unbeliever that people would come and see you to tell them how to fornicate. C'est plutôt quand tu étais un incrédule, les gens viendront te demander comment forniquer. Some of you were fathers in sin. Certains parmi vous étiez des pères dans les péchés. Yes. Oui. Is it true? Est-ce vrai? Some of you here have taught people how to do bad things. Certains parmi vous, vous avez appris aux gens comment faire de mauvaises choses. But it is changing now. Mais ça change maintenant. I say it is changing now. Je dis ça change maintenant. In the church. Dans l'église. You will teach people how to evangelize. Tu vas apprendre aux gens à évangéliser. Yes. In the French world. Dans le monde francophone. Your name will be a major name. Ton nom sera un nom majeur. I mean your name. Je dis toi ton nom. Your name. Toi ton nom. Because people are literally going to come to you. They will send you emails. They will send you WhatsApp messages and ask you, give me 5 points about how to grow a church. Les gens, give me 4 points, 7 points about how, I want to start a church in a village. How do I go about it? Les gens viendront te consulter comment faire grandir une église. Ils vont t'envoyer des messages de n'importe quel réseau social. Comment faire grandir l'église? Comment évangéliser? Comment faire l'œuvre de Dieu? When people are getting tired about the ministry, quand les gens sont fatigués du ministère, they want to stop. Quand ils veulent arrêter, they want to quit. Ils veulent démissionner. They are packing their things. Ils sont en train de rassembler leurs affaires. Putting their Bibles and their crosses and everything into a bag. Ils sont en train de mettre leur croix, leur Bible dans un sac. As they are zipping the bag. Alors qu'ils sont en train de fermer le sac. And they see you. Et puis ils te voient. They will be so inspired. Ils seront tellement inspirés. A sudden burst of energy will come into them. Un soudain éclatement d'énergie viendra en eux. I see you helping people to become anointed. Je te vois aider des gens à devenir you meilleurs. You will turn hopelessness into hope. Tu vas changer le fait d'être désespéré en espoir. Pastors whose churches are going down in numbers will look for you to tell them what to do to turn things around. Les pasteurs dont les églises chutent vont venir te voir et tu vas leur apprendre comment transformer des choses. Some of you pick your phone and somebody will send a WhatsApp message. Certains vous allez prendre vos téléphones et quelqu'un va vous envoyer des messages sur WhatsApp. How do I organize a crusade? Comment est-ce que je peux organiser une croisade? I want to have the crusade in my city. Je veux organiser une croisade dans ma ville. How do I organize that crusade? Comment est-ce que je peux le faire? You are going to be a light. Tu seras une lumière. Don't let your present circumstances deceive you. Ne permets pas que ta circonstance actuelle te déçoive, te trompe. You are a great minister. Tu es un grand ministre. I said you are a great minister. Je dis tu es un grand ministre. People will not just find you a great pastor, but they will actually look up to you as a source. Les gens, a source of inspiration. Les gens vont pas juste te voir comme un ministre, mais ils vont te voir comme une source d'inspiration. People who are getting tired, they will be strong when they see you. Les gens qui sont sur le point d'abandonner seront forts quand ils te voient. Yes. Right now, as I'm speaking. Écrivez alors que je parle. That is not the case. C'est pas le cas. Nobody knows you. Personne ne te connaît. Nobody cares about you. Personne se soucie de toi. Whether you are there or you are not there, there's nothing. There's no difference. Soit tu es là, soit tu n'es pas là, il n'y a pas de différence. But this camp marks the beginning of that transformation. Mais ce camp marque le début de cette transformation. I'm telling you. Je vous le dis. It's not just words. C'est pas juste des paroles. I just see you will be in your church and a delegation will come and have a 3-hour meeting with you for you to teach them how to have new believer school and how to teach new converts and how to bring up souls to turn members into shepherds. Tu seras dans receive it now. Ton église et une délégation viendra te demander comment commencer une église, comment faire des classes de nouveaux croyants. Reçois le nom de Jésus. That is the reason why you must start preparing yourself. Voici la raison pour laquelle vous devez commencer à vous préparer. When you see a book, don't pass. Quand vous voyez un livre, ne dépassez pas. Book. Pick it and read it. Prenez-le et lisez-le. Yes. Oui. Church growth, it is possible. La croissance d'église, c'est possible. Read it. Lisez-le. Mega church. La méga église. Read it. Lisez-le. Art of leadership. L'art de leadership. Read it. Lisez-le. Art of shepherding. L'art d'être berger. Read it. Lisez-le. And as you open the pages and you are reading, alors que vous ouvrez les pages pour lire, you are reading church planting. Vous lisez l'implantation de l'église. You are not just reading church planting to plant churches. Vous ne faites pas que lire l'implantation de l'église juste pour planter les églises. You are not just reading church growth to grow your church. Vous ne lisez pas seulement la croissance d'église pour faire grandir votre église. When you pick a book to read, you are reading it because God has told you that you are a future consultant for other ministries and churches and other pastors and other church workers. Quand vous prenez les livres pour lire, c'est Dieu qui est en train de te dire que tu seras un grand consultant pour d'autres grandes églises et d'autres ministres. That's why I said it is different from being a city set on a hill. Quand je dis c'est différent d'être une ville sur la montagne. That one we look up and we admire you. On te regarde et puis on t'admire. You are a great pastor. Tu es un grand pasteur. Well, you can sing well. Tu peux bien chanter. Your church is nice. Ton église est belle. It is very different from being a light. C'est très différent d'être une lumière. I said it is very different from being a light. Je dis c'est très différent d'être une lumière. As part of God's plan for your ministry. Faisant partie du plan de Dieu pour ton ministère. You are not just supposed to be a great pastor of thousands. Tu n'es pas juste censé être un grand pasteur de milliers. But people must also draw inspiration from you. Mais les gens doivent aussi tirer de l'inspiration de toi. People must draw direction from you. Les gens doivent tirer avoir de direction de toi. And nobody will be interested in you when you are an empty shell. Personne ne sera intéressé en toi quand tu es une coquille vide. I'm giving you a very important reason why you must read books. Je te donne une raison très importante pour laquelle vous devez lire. Tu dois lire des livres. This is the camp. Before this camp, we read mega church and church growth and how to pray and church planting because we wanted to plant churches and grow church. Yeah, that one is a city set on a hill. Avant ce qu'on a lu, méga église, implantation d'église, comment faire grandir l'église, croissance d'église, ça c'est une ville sur la montagne. But right now, God is telling you that you are a consultant. Maintenant, Dieu est en train de te dire que tu es un consultant. Pastors will come and ask you questions. Les pastors viendront te poser des questions. You will be in your church and a delegation from another mission international will come to your church and say, you know what? We have come to learn about crusades. This one is not about prayer. It's just crusades. Teacher, you shall give light. Tu seras, Tu seras dans ton église et une délégation viendra apprendre de toi. Ils vont t'apprendre, ils vont te demander comment faire des croisades. Ça, c'est une lumière sur la montagne. This is the word of God about you. Voici la parole de Dieu te concernant. He says, when you light a candle, et quand tu allumes une bougie, you don't just light the candle to look for your books or to look or to read a book. Tu n'allumes pas la bougie pour juste lire ou bien chercher tes livres. There are two reasons why you light a candle. Il y a deux raisons pour lesquelles vous allumez une bougie. One is that you light the candle to read your book. L'une c'est que tu allumes la bougie pour pouvoir lire ton livre. But Jesus is saying that another reason why you light a candle is to give light also to other people. Mais Jésus dit l'autre raison pour laquelle vous allumez une bougie, c'est pour donner la lumière aux autres. So where God is taking you, it's not about yourself alone. Mais là où Dieu t'amène, c'est pas pour toi seul. So when you are misbehaving, remember that you are not misbehaving alone. Mais quand tu te comportes mal, rappelle-toi que tu te comportes pas mal pour toi seul. Yes. Oui. When you are becoming an orangu, you remember that you are becoming a consultant orangu. You are teaching other people how to break away from a church. Quand tu deviens un orangu, sache que tu es en train de devenir un orangu consultant. Tu apprends aux gens comment briser une église. This camp. Ce camp transforms you into a light. Te transformera dans une lumière. I said transforms you into a light. Je dis, ça va te transformer en tant que lumière. So remember that your destiny is to be great, yes, to be conspicuous, to be striking, yes. Rappelle que ton destin est être grand, être remarquable, être frappant, oui. But another part of your destiny is that you will be a source of direction. Mais une autre partie de ta destinée, que c'est tu seras une source de direction. So when you are offended, quand tu es offensé, and you want to leave Mission International. Tu veux quitter Mission International? Remember that. Rappelle-toi que you are preventing other people from coming to you to ask you how to stay in one church for 20 years. Tu empêches aux autres de venir te demander comment rester dans une église pendant 20 ans. By leaving the church, you have actually blocked your own destiny. Quittant l'église, vous avez vraiment bloqué votre propre destinée. People must come and ask you how are you able to stay in a church for 40 years? Les gens doivent te demander comment tu arrives à demeurer dans une église pendant 40 ans. But when you move from one church to another, to this one, to that church, you deprive yourself of that particular, you cannot be a light. Quand tu te déplaces d'une église à une autre, tu peux pas être une lumière. Cannot be a light. Tu peux pas être une lumière. Your church is going to grow in such a way that people are going to queue to ask you, how are you able to do this thing? Ton église va grandir tellement jusqu'au point où les gens vont faire la queue pour te demander comment tu arrives à faire ceci. And the next point Bishop gave us is very powerful. Le point suivant est très très puissant. Number 6. Numéro 6, point numéro 6. It says your destiny. Ta destinée is to be what? A great source of inspiration, direction and light. And the next one is what? Une grande source d'inspiration, de direction et de lumière. Your destiny is to be what? Spiritual. Ta destinée est d'être spirituel. Whilst you are in heaven. Alors que tu es au ciel. To be what? Spiritual whilst you are where? On earth. Tu dois être spirituel alors que tu es sur terre. Are you aware that a lot of people cannot become spiritual? Beaucoup de personnes ne peuvent pas devenir spirituelles. Allow the word of God to guide them. Permettre à la parole de Dieu de les guider. People cannot allow the voice of God to lead them. Les gens n'arrivent pas à permettre à la voix de Dieu de les conduire. A lot of people cannot say that I am doing this because the Bible says I should do it. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à dire que je fais ceci parce que la Bible dit de le faire. And the scripture Bishop gave us. Look at it. Look at. Et le verset que l'évêque nous a donné. Ephesians chapter 2 verse 1 to 6. Ephésiens 2, 1 à 6. He said, and you hath he quickened who were dead in trespasses, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verse 4 says, but God, who is rich in mercy, mais for his great love, wherewith he loved us. Verset 4 dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, even when we were dead in sins, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, hath quickened us together with Christ. Mais quand nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Verse 6, and hath raised us up together. Et nous a ressuscité ensemble. You are operating in two worlds. Tu opères dans deux mondes. You are not just in Lumumbashi, you are not just in Abidjan, you are not just in Brazzaville, wherever. You are also seated in heavenly places. Tu n'es pas juste en train d'opérer en Lumumbashi, à Abidjan ou bien quoi que ce soit, mais tu es dans deux endroits différents à la fois. This camp marks the beginning of a certain level of spirituality. Ce camp marque le début d'un certain niveau de spiritualité. It's going to mark the beginning of holiness and righteousness. Ça va marquer le début de la justice et de la sainteté. You will not just be a carnal Christian. All you care about is your hair and your appearance, or your shoes and your shirt. You will also think about spiritual things as a shepherd. Tu ne seras pas juste un chrétien chandel, mais vous allez aussi penser aux choses spirituelles. There are shepherds who don't think about heaven. Il y a des bergers qui ne pensent pas au ciel. But your destiny is that while you are on earth, you will also be spiritual. Votre destinée est que alors que vous êtes sur terre, vous devez être spirituel. While you are on earth, you will think about souls. Alors que vous êtes sur terre, vous allez penser aux âmes. While you are in school, you will think about a church and you'll be growing a church. Alors que vous êtes dans une école, vous allez penser aux églises et faire grandir les églises. I was a medical student. J'étais un étudiant de médecine. When I was appointed a pastor. Quand j'étais nommé pasteur. So while in the medical school classroom. Alors que j'étais dans l'école de médecine on earth, sur la terre. I was also thinking about how to grow my branch in town. Je pensais à comment faire grandir ma branche en ville. I was not just a student learning about learning medicine. I was also a pastor, and the ministry was on my mind. Je n'étais pas seulement un étudiant qui essayait d'apprendre à l'école, mais j'étais un pasteur. Et le ministère était dans mes pensées. Some of you sisters, when you are beautiful, you can't think about the work of God. Certains parmi vous les sœurs, quand vous êtes belles, vous n'arrivez pas à penser au travail de Dieu. There are brothers, when they get money, they can't serve God. Et il y a des frères, quand ils ont de l'argent, ils n'arrivent pas à servir But Dieu. But you will become rich and also become a pastor doing the work of God. Mais vous serez riche et vous allez devenir des pasteurs faisant le travail de Dieu. Can you imagine a pretty girl like you and you are also a missionary? Tu peux imaginer une jolie fille comme toi et tu es missionnaire également. While on earth. Alors que tu es sur terre. While you are a student. Alors que tu es étudiant. While you are rich. Alors que tu es riche. While you are a pretty girl. Alors que tu es une jolie fille. While you are married. Alors que tu es marié. You will also be full time in the ministry. Tu seras également à plein temps dans le ministère. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. Clap your hands for Jesus. Acclamez Jésus.